Chapitre 151e, la nuit du 9 au 10 août. Pétion, mandé par le roi, avait prévu qu'il ne sortirait point du palais aussi facilement qu'il y serait entré. Il s'était approché d'un homme au visage rude, encore durci par une cicatrice qui lui couvrait le front. « Monsieur Billot, lui dit-il, que me rapportiez-vous tout à l'heure de l'assemblée? Qu'elle passerait la nuit en permanence? Très bien. Que disiez-vous avoir vu au pont neuf? Du canon et des gardes nationaux, placés là, par ordre de Monsieur Mandat. Et ne dites-vous pas aussi que sous l'arcade Saint-Jean, au débouché de la rue Saint-Antoine, une force considérable est assemblée? Oui, monsieur, par ordre de Monsieur Mandat toujours. Eh bien, écoutez ceci, Monsieur Billot. J'écoute. Voici un ordre de Messieurs Manuel et Danton de faire entrer chez eux les gardes nationaux de l'arcade Saint-Jean et de désarmer le pont neuf. Il faut, coûte que coûte, que cet ordre soit exécuté, vous entendez? Je le remettrai moi-même à Monsieur Danton. C'est bien. Maintenant, vous demeurerez rue Saint-Honoré. Oui, monsieur. L'ordre donné à Monsieur Danton, rentrez chez vous et prenez un instant de repos. Puis vers 2 heures, levez-vous et promenez-vous de l'autre côté du mur de la terrasse des Feuillants. Si vous voyez ou si vous entendez tomber des pierres lancées du jardin des Tuileries, c'est que je serai prisonnier et qu'on me fera violence. Je comprends. Présentez-vous alors à la barre de l'Assemblée et dites à vos collègues de me réclamer. Vous comprenez, monsieur Billot, c'est ma vie que je remets entre vos mains. Et j'en réponds, monsieur, dit Billot, partez tranquille. Pétion, en effet, était parti, se reposant sur le patriotisme bien connu de Billot. Celui-ci avait répondu de tout, d'autant plus hardiment, que Pitou venait d'arriver. Il expédia Pitou à Danton en lui recommandant de ne pas revenir sans lui. Malgré la paresse de Danton, Pitou en eut le cœur net et le ramena. Danton avait vu les canons du pont neuf. Il vit les gardes nationaux de l'arcade Saint-Jean. Il comprit l'urgence qu'il y avait à ne pas laisser de pareilles forces sur les derrières de l'armée populaire. L'ordre de Pétion à la main, Manuel et lui firent rentrer les gardes nationaux de l'arcade Saint-Jean et renvoyèrent les canonniers du pont neuf. Dès lors, la grande route de l'insurrection se trouva déblayée. Pendant ce temps, Billot et Pitou revenaient rue Saint-Honoré. C'était toujours l'ancien logement de Billot. Pitou lui dit bonjour de la tête comme à un ami. Billot s'assit et fit signe à Pitou d'en faire autant. « Merci, monsieur Billot, dit Pitou, je ne suis pas fatigué. » Mais Billot insista et Pitou s'assit. « Pitou, lui dit Billot, je t'ai fait dire de venir me joindre. » « Et vous le voyez, monsieur Billot, dit Pitou, avec ce franc sourire qui montre les 32 dents et qui était particulier à Pitou, je ne vous ai pas fait attendre. Non ? Tu devines, n'est-ce pas, qu'il va se passer quelque chose de grave ? Je m'en doute, répondit Pitou. Mais dites-moi donc, monsieur Billot. Quoi, Pitou ? Je ne vois plus ni monsieur Bailly, ni monsieur Lafayette. Bailly est un traître qui nous a fait assassiner au Champ de Mars. Oui, je sais, puisque c'est moi qui vous ai presque ramassé baignant dans votre sang. Lafayette est un traître qui a voulu enlever le roi. Ah, je ne savais pas. Monsieur Lafayette, un traître, qui se serait douté de cela. Et le roi ? Le roi est le plus traître de tous, Pitou. Quant à cela, dit Pitou, ça ne m'étonne pas. Le roi conspire avec l'étranger et veut livrer la France à l'ennemi. Les Tuileries sont un foyer de conspiration et on a décidé de prendre les Tuileries. Tu comprends, Pitou ? Parbleu, si je comprends. Dites donc, monsieur Billot, comme nous avons pris la Bastille, n'est-ce pas ? Oui. Seulement, ce ne sera pas si difficile. C'est ce qui te trompe, Pitou. Comment ? Ce sera plus difficile ? Oui. Il me semble pourtant que les murs sont moins hauts ? Oui. Mais ils sont mieux gardés. La Bastille n'avait pour toute garnison qu'une centaine d'invalides, tandis qu'il y a 3 ou 4 000 hommes au château. Ah, diable, 3 ou 4 000 hommes. Sans compter que la Bastille fut surprise, tandis que depuis le premier de ce mois, les Tuileries se doutent qu'elles doivent être attaquées, et se sont mis sur la défensive. Si bien qu'elles se défendront, dit Pitou. Oui, répondit Billot. D'autant plus qu'on dit que c'est à M. de Charny que la défense en est confiée. En effet, dit Pitou. Il est parti hier en poste de Boursonne avec sa femme. Mais c'est donc aussi un traître, monsieur de Charny ? Non, c'est un aristocrate, voilà tout. Il a toujours été pour la cour, lui, et par conséquent n'a pas trahi le peuple, puisqu'il n'a pas invité le peuple à se fier à lui. Ainsi, nous allons nous battre contre monsieur de Charny. C'est probable, Pitou. Est-ce singulier ? Des voisins ? Oui, c'est ce qu'on appelle la guerre civile, Pitou. Mais tu n'es pas obligé de te battre si cela ne te convient pas. Excusez-moi, monsieur Billot, dit Pitou. Du moment où cela vous convient, cela me convient aussi. J'aimerais mieux que tu ne te battisses point, Pitou. Pourquoi donc m'avez-vous fait venir alors, monsieur Billot ? Le visage de Bio s'assombrit. « Je t'ai fait venir, Pitou, » lui dit le fermier, « pour te remettre ce papier. »« Ce papier, monsieur Bio, oui. Qu'est-ce que ce papier ?»« C'est l'expédition de mon testament. »« Comment ? L'expédition de votre testament ? Eh, monsieur Bio !» Continua en riant, Pitou, « vous n'avez pas l'air d'un homme qui veut mourir ?»« Non, » dit Bio, montrant son fusil et sa giberne accrochée à la muraille. « Mais j'ai l'air d'un homme qui peut être tué. »« Ah, dame !» fit sentencieusement Pitou. « Le fait est que nous sommes tous mortels. » « Eh bien, Pitou, » dit Bio, « je t'ai fait venir pour te remettre une expédition de mon testament. »« À moi, monsieur Bio, à toi, Pitou, attendu que comme je te fais mon légataire universel. »« Moi, votre légataire universel ?» dit Pitou. « Non, merci, monsieur Bio, mais c'est pour rire ce que vous me dites là. »« Je te dis ce qui est, mon ami. »« Ça ne se peut pas, monsieur Bio. »« Comment ça ne se peut pas ?»« Ah non, quand un homme a des héritiers, il ne peut pas donner son bien à des étrangers. » Tu te trompes, Pitou, il peut. Alors il ne doit pas, monsieur Bio. Un nuage sombre passa sur le front de Bio. Je n'ai pas d'héritier, dit-il. Bon, reprit Pitou, vous n'avez pas d'héritier. Et comment donc appelez-vous, mademoiselle Catherine ? Je ne connais personne de ce nom-là, Pitou. Allons donc, monsieur Bio, ne dites pas de ces choses-là. Tenez, cela me révolte. Pitou, dit Bio, du moment qu'une chose m'appartient, je puis la donner à qui je veux. De même que si je meurs à ton tour, comme la chose t'appartiendra, Pitou, tu pourras la donner à qui tu voudras. Ah bon ? Dit Pitou, qui commence à comprendre. Alors s'il vous arrive un malheur ? Mais que je suis bête, il ne vous arrivera pas malheur. Tu le disais tout à l'heure, Pitou, nous sommes tous mortels. Oui, eh bien, au fait, vous avez raison. Je prends le testament, monsieur Bio. Mais bien sûr, en supposant que j'ai le malheur de devenir votre héritier, j'aurai le droit de faire ce que je voudrais de vos biens. « Sans doute, puisqu'ils sont à toi. »« Et à toi, un bon patriote, tu comprends, Pitou, on ne te cherchera point chicane. »« Comment pour le faire à des gens qui auraient pactisé avec les aristocrates ?» Pitou comprenait de mieux en mieux. « Eh bien, ça y est, monsieur Bio, dit-il, j'accepte. »« Alors, comme voilà tout ce que j'avais à te dire, mets ce papier dans ta poche et repose-toi. »« Pourquoi faire, monsieur Bio ?»« Parce que, selon toute probabilité, nous aurons de la besogne demain, ou plutôt aujourd'hui, car il est 2 heures du matin. » Vous sortez, monsieur Bio ? Oui, j'ai affaire le long de la terrasse des feuillants. Et vous n'avez pas besoin de moi ? Au contraire, tu me gênerais. En ce cas, monsieur Bio, je vais manger un petit morceau. C'est vrai, s'écria Bio. Et moi qui avais oublié de te demander si tu avais faim. Oh, dit en riant Pitou, c'est parce que vous savez que j'ai toujours faim. Je n'ai pas besoin de te dire où est le garde-manger. Non, non, monsieur Bio, ne vous inquiétez pas de moi. Seulement, vous revenez ici, n'est-ce pas ? J'y reviens. « Sans quoi il faudra me dire où je pourrais vous rejoindre. Inutile, dans 1 heure je serai ici. »« Eh bien, allez donc !» Et Pitou se mit à la recherche de sa nourriture, avec cet appétit qui, chez lui comme chez le roi, n'était jamais altéré par les événements, si graves qu'ils fussent, tandis que Bio s'acheminait vers la terrasse des feuillants. Nous savons ce qu'il allait y faire. À peine y fut-il, qu'une pierre tomba à ses pieds, suivie d'une seconde, puis d'une troisième, lui apprit que ce pétion avec rein était arrivé et que le maire était prisonnier aux Tuileries. Il s'était aussitôt, suivant les instructions reçues, présenté à l'Assemblée qui, ainsi que nous l'avons vu, avait réclamé pétion. Pétion libre n'avait fait que traverser l'Assemblée et était retourné à pied à l'hôtel de ville, laissant pour le représenter sa voiture dans la cour des Tuileries. De son côté, Bio rentra chez lui et trouva Pitou achevant son souper. « Eh bien, monsieur Bio, demanda Pitou, qu'y a-t-il de nouveau ?»« Rien, dit Bio. Si ce n'est que voilà le jour qui vient, et que le ciel est rouge comme du sang.